Je ne sais pas pourquoi ce soir, mais je ne pense qu'à te revoir à genoux, nu devant moi. Est-ce la pression du noir ou les démons des territoires entre nous? Au fond, je m'en fous. Promis, je ne te dirai pas je t'aime, mais laisse-moi dormir nu dans tes bras. Les amoureux séparés se retrouvent quelquefois. Je sais, nous ne serons plus jamais les mêmes, mais laisse-moi dormir nu dans tes bras. Les odeurs anciennes retrouvent leur charme quelquefois. Entends-tu mes mains te parler? Te souviens-tu combien elles savaient te toucher? Je ne sais pas pourquoi ce soir, mais je ne pense qu'à te revoir à genoux, nu devant moi. Est-ce le fait de ne plus y croire ou de vouloir écrire l'histoire entre nous? Au fond, je m'en fous. Promis, je ne te dirai pas je t'aime, mais laisse-moi dormir nu dans tes bras. Les amoureux séparés se retrouvent quelquefois. Je sais, nous ne serons plus jamais les mêmes, mais laisse-moi dormir nu dans tes bras. Les odeurs anciennes retrouvent leur charme quelquefois. Entends-tu mes mains te parler? Te souviens-tu combien elles savaient te toucher?